Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 18. Malheur à la terre qui retentit par la cymbale de ses ailes, qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, qui envoie des ambassadeurs sur la mer et sur des vaisseaux de papyrus. Allez, ange rapide, vers une nation arrachée et déchirée, vers un peuple terrible, après lequel il n'en est pas d'autre aussi terrible, vers une nation qui attend et qui est foulé aux pieds, dont les fleuves ont ravagé la terre. Vous tous, habitants de l'univers, qui demeurez sur la terre, lorsque l'étendard sera levé sur les montagnes, vous le verrez, et vous entendrez le bruit éclatant de la trompette. Parce que voici ce que le Seigneur me dit. Je me tiendrai en repos, et je considérerai en mon lieu comme la lumière du midi qui est claire, et comme un nuage de rosée au jour de la moisson. Car avant la moisson, il a fleuri tout entier, et son germe, le plus avancé, ne mûrira pas. Et ses petites branches seront coupées avec les faux, et ce qui aura été laissé sera retranché ou rejeté. Il sera en même temps abandonné aux oiseaux des montagnes et aux bêtes de la terre. Et pendant tout l'été y seront les oiseaux, et toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, sera offert un présent au Seigneur des armées, par un peuple arraché et déchiré, par un peuple terrible, après lequel il n'en fut pas d'autre aussi terrible, par une nation qui attend, et qui est foulée aux pieds, dont les fleuves ont ravagé la terre. Offert dans le lieu du nom du Seigneur des armées, la montagne de Sion. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.